الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ce soir, contrairement à notre habitude, nous n'allons pas poursuivre l'étude du livre Kitab ou Tawhid, mais nous allons rester dans le domaine du Tawhid. J'ai choisi pour ce soir l'étude de deux noms, d'entre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prenant pour support le livre du savant Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr حفظهم الله سبحانه وتعالى qui est un savant de Médine et son père est le plus grand savant de Médine. Allah les préserve et préserve les savants de l'islam. Son livre se nomme Fiqh al-Asma al-Husna, la compréhension des noms sublimes, c'est-à-dire de certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسنتفقه في اسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الشهيد والرقيب. Et ce soir, بعون من الله سبحانه وتعالى, avec l'aide d'Allah, nous allons étudier deux noms parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى, qui sont الشهيد et الرقيب. الشهيد, on peut le traduire par le témoin. Warraqib, par celui qui surveille. Les deux sens sont proches, on les expliquera inshallah ta'ala. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala, amma ash-shahid faqad takarrara fi mawadhi' عديدة من القرآن. قال الله, قال تعالى والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. لوتر رحمه الله تعالى ندي أما الشهيد. Concernant le nom d'Allah, Ash-Shahid, celui qui est témoin de toutes choses, ce nom se répète plusieurs fois dans le Coran, dans plusieurs endroits du Coran. Dans Surat al-Buruj, constellation verset 9, Allah nous dit « Wallahu ala kulli shayin shahid » Allah est témoin de toutes choses. Dans Surat al-Nisa, verset 79, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Et Allah suffit en tant que témoin. وَقَالَ تَعَالَى. Dans Surat al-Hajj, verset 17, إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Certes, Allah séparera entre eux le jour de la résurrection, les départagera. Certes, Allah est témoin de toutes choses. Donc ce nom se répète plusieurs fois dans le Coran. Wa amma ar-raqib faqad urada fi thalathati mawatin. Qurina ma'ahu fi ahadiha ismu ash-shahid. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا وقال تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قلت نون الله الرقيب, celui qui observe toutes choses, ou bien qui surveille toute chose. Il a été cité dans trois endroits du Coran. Et dans l'un de ces endroits, il a été cité avec le nom d'Allah Al-Shahid. Donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Raqib se répète dans trois endroits du Coran. Et dans l'un de ces endroits, on y cite avec le nom d'Allah Al-Raqib, le nom d'Allah Al-Shahid. Dans Sourate An-Nisa, à la fin du premier verset, certes Allah vous observe parfaitement. Donc Al-Raqib, ils ont traduit par celui qui observe parfaitement. Dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés verset 52, et Allah observe toutes choses. Dans Sourate Al-Ma'ida, la table servie, verset 117, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Donc dans ce verset, qui nous raconte des paroles qui auront lieu yom al-qiyam, avec les paroles où Isa alayhi salam sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي. Est-ce que c'est toi, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre toi ainsi que ta mère comme divinité en dehors d'Allah? Allah subhanahu, il dira, exempté sois-tu, il ne me convient pas, il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai aucune science. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. Adore Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Puis Isa alayhi salam a été élevé au ciel, comme vous le savez. Il n'a pas été assassiné, ni crucifié, mais élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es témoin de toutes choses. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Et tu es témoin de toutes choses. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous explique ces deux noms. ومعنى الشهيد أي المطلع على كل شيء كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء سمع جميع الأصوات خفيها وجليها أو خفيها وجليها وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعبادي وعلى عبادي بما عملوا. Donc l'auteur nous explique le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Shahid, celui qui est témoin de toutes choses, en nous disant c'est celui qui a embrassé parfaitement de sa science toute chose, ou bien qui sait parfaitement toute chose, et nul, ou bien rien, ne peut lui être caché. Il entend toutes les voix, les plus subtiles, celles qui sont basses et élevées. Et il voit tout ce qui existe, les choses les plus petites, comme les choses les plus apparentes. Et sa science a embrassé toutes choses, englobé toutes choses. Et il est témoin des actions de ses serviteurs et de tout ce qu'ils ont fait. Wa ma'na ar-raqib, quant au sens de l'observateur parfait, ay al-muttali'u 'ala ma akannathu as-sudur, al-qa'imu 'ala kulli nafsin bima kasabat, alladhi hafiza al-makhluqat wa ajraha 'ala ahsani nizam wa akmali tadbir, raqib lil-mubsirat ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلم المحيط بكل شيء. Quant au sens du nom Ar-Raqib, l'observateur, c'est-à-dire celui qui sait parfaitement ce que renferment les poitrines, le contenu des cœurs, et qui observe parfaitement ce que chaque âme a avancé, a fait. Celui qui a préservé et enregistré tout ce que ses serviteurs, ses créatures, ont fait. Ou plutôt, le sens est « Alladhi hafidha al-makhluqat wa ajraha ala ahsani nizami wa akmali tadbir ». C'est celui qui a préservé ses créatures et a ordonné parfaitement toutes choses et a parfaitement tout géré. Il surveille tout ce qui se voit, donc tout être, de par sa vue. Et rien ne peut se soustraire à sa vue. Il surveille et observe tous les sons et entend parfaitement de par son ouïe qui embrasse toute chose. Il surveille donc toutes les créatures de par sa science qui a embrassé toute chose. Donc on voit que le sens du nom Al-Shahid et du nom Al-Raqib sont proches. Il y a la science de tout ce qui est fait, de tout ce qui est dit, de tout ce qui maza, de toute chose. ومن يتأمل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله: الرقيب والشهيد مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت من اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال: والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسم الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، استحضر هذا العلم في كل أحواله، وأوجب له ذلك حراسة باطنه من كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. L'auteur, Cheikh Abdul Razzaq, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit: et celui qui observe et médite le sens de ces deux noms verra qu'il y a des points communs et qu'ils sont assez synonymes, si cela se dit. Donc ils se ressemblent. Le sens de ces deux noms se ressemble. C'est pour cela que Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, c'est un des grands savants de notre époque, c'est le Cheikh ibn Athaymin et d'autres, nous dit Al-Raqib et Al-Shahid sont deux synonymes. Ils ont des sens très rapprochés. Tous deux nous indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a embrassé parfaitement, ou plutôt entend tous les sons avec son ouïe et voit toutes choses avec sa vue et sait toutes choses de par sa science, que ce soit les choses claires ou les choses cachées. Et c'est celui qui observe et sait parfaitement ce que contient l'intérieur des gens et ce qui bouge en leur fort intérieur. À plus forte raison, les actions faites avec nos membres. C'est pour ça qu'Allah dit, ou plutôt Allah dit, à la fin du premier verset de Sourate An-Nisa, Allah observe parfaitement ce que vous faites. Et dans un autre verset, Allah est témoin de toutes choses. Et Al-Muraqaba, c'est une des stations les plus élevées. Une des meilleures actions du cœur. Et ça consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms Al-Raqib et Al-Shahid. Al-Muraqaba, c'est le fait de ressentir qu'Allah t'observe et te surveille. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Naam, le fait de ressentir ça, de faire attention donc à toutes tes paroles, à toutes tes actions et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle Al-Muraqaba. Cela est ma parole. Donc je reviens à la parole d'Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala. Donc lorsque le serviteur aura su ou bien sera que toutes ses actions apparentes ou cachées sont parfaitement connues chez Allah et qu'il embrasse de sa science tout ce qu'il fait, à ce moment-là, il se rappellera de cette science dans tous ses états. Et ça sera pour lui une protection, un gardien intérieur de toute mauvaise pensée et de toute mauvaise manière de penser qui pourrait mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et il préservera son extérieur, ses actions extérieures, de toute mauvaise parole ou mauvaise action qui pourrait mettre en colère Allah. Donc celui qui connaît Allah à travers ces deux noms-là, Al-Raqib et Al-Shahid, sait qu'Allah le voit dans tous ses états, l'entend, entend toutes ses paroles, connaît parfaitement ce qu'il fait et connaît son fort intérieur. Donc il surveillera son intérieur de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala se mette en colère, vu qu'Allah sait ce que contient son intérieur. Il fera attention à ce qu'il dit, car il sait qu'Allah entend parfaitement tout ce qu'il dit. Il fera attention à ce qu'il fait, car il sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît parfaitement et voit parfaitement toutes ses actions. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la station de Al-Ihsan, donc comme vous le savez, l'islam a trois degrés, Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. Ben, Al-Ihsan, c'est le plus haut degré. L'auteur, le shir nous dit ici, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le degré du Ihsan, et d'adorer Allah comme si tu le voyais, si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. C'est ça le muraqab. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces deux noms-là, Al-Shahid et Al-Raqib. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. لتاء الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى poursuit l'explication de ces deux noms et en citant six versets et un hadith. Dans Surat al-Baqarah, le verset 235, à la fin, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, en vous-même. Prenez donc garde à lui. Et sachez aussi qu'Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Ensuite, dans Surat al-Ahzab, le verset 52, « Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. » Et certes, Allah observe parfaitement toutes choses. En Surat al-Hadid, le verset 4, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah voit parfaitement. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il est avec vous où que vous soyez et Allah observe parfaitement ce que vous faites. La fin du verset 4 de Surat al-Hadid. Dans Surat al-Alaq, le verset 14, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Dans Surat al-Tur, verset 48, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, le jugement de ton Seigneur, car en vérité, tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. وَقَالَ تَعَالَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Surat Ghafir, verset 19. Il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Le regard furtif, la personne qui regarde en cachette une chose, pour ceux, en cachette des gens, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il connaît ça. Et dans le hadith, surnommé hadith Jibril, alayhi salam, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'excellence, l'ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau-là, alors sache qu'Allah te voit. Ça c'est le muraqaba. Le fait de sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te surveille, qu'il est témoin de toutes choses, c'est maqamul muraqaba. Ce hadith est rapporté, comme vous le savez tous, عند مسلم, hadith d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. فتأملوا هذه النصوص أو فتأملوا هذه النصوص وما في معناها يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عملي في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. L'auteur nous dit, celui qui médite et observe ces textes et ceux qui y ressemblent verra que son cœur, ou plutôt cela développera en lui Al-Muraqaba. Cela développera en lui Al-Muraqaba, Muraqabatullah, le fait de ressentir qu'Allah le surveille et qu'il sait tout ce qu'il fait. Donc pour développer cette chose-là, Toujours avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire attention avant de parler, faire attention avant de regarder, faire attention avant de toucher, faire attention avant de faire, avant de penser, de regarder, d'écouter, pour développer ce sens-là, qui est un des grands degrés dans la foi. Il faut méditer et lire ces textes, et étudier ces noms, al-Shahid, al-Raqib, et lire ces versets. Cela développera sur le serviteur le fait qu'il se sente surveillé, observé par Allah tabaraka wa ta'ala. Il aura toujours cela présent à l'esprit, dans son cœur. Dans chacune de ses actions, dans chacun de ses états. Car al-muraqaba, le fait de se sentir observé par Allah subhanahu wa ta'ala, est en réalité, fait en réalité partie des fruits de la science du serviteur qu'Allah le surveille. Al-muraqaba, en réalité, c'est le fruit de ta connaissance, toi, de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Plus tu as la certitude dans ce nom, plus tu connais ce nom, plus tu médites, plus tu adoreras Allah azza wa jal avec ce nom, en te sentant en madha, en ayant la certitude qu'Allah azza wa jal t'observe et te surveille. Qu'il te regarde, qu'il entend toutes tes paroles, qu'il surveille toutes tes actions, et cela où que tu sois, et quel que soit le moment, à chaque instant, à chaque souffle, à chaque clin d'œil. Et ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, tu ne peux te soustraire au regard d'Allah, à l'ouïe d'Allah, à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. والمراقبة منزلة عالية من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة وحقيقتها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن حال ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذره من الوقوع فيه كما قال الشاعر إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة وَلَا أَنَّمَا يَخْفَ عَلَيْهِ يَغِيبُ. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit al-muraqaba, donc le fait de se sentir observé par Allah subhanahu wa ta'ala et surveillé, est un degré très élevé parmi les stations de ceux qui se dirigent vers Allah et vers l'au-delà. Donc celui qui va vers Allah, qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut le rencontrer au paradis, le voit, na'am, qui espère sa rencontre plutôt avec Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama, et le voir fil jannah, il a besoin de provision. Fil dunya, il y a des gens qui se dirigent vers al-nar, a'adhan Allah wa iyyak. Il y a des gens qui se dirigent vers l'enfer, et au quotidien, elles prennent leurs provisions. Et il y a d'autres personnes, ceux qu'Allah Azza wa Jal a choisi, qui se dirigent vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces gens-là ont des provisions. Et Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di a écrit un livre. Il a écrit un livre sur cela. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala nous facilite, on le lira, Inch'Allah Ta'ala. Et il en a fait l'explication. Donc la personne a besoin de provisions. Ben, une des meilleures provisions dont elle a besoin pour pouvoir se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, trouver son agrément yom al-qiyam, le pardon pour ses péchés, sa miséricorde, puis l'entrée au paradis, puis tout ce qui s'y trouve comme plaisir, plus grand que tout cela, l'agrément d'Allah, et plus grand que tout cela, la vision du visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette personne a besoin de provisions. Parmi ces meilleures provisions, les plus utiles, muraqabatullah, le fait d'aller vers Allah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en N'ayant cette certitude qu'Allah sait tout ce qui se passe, toutes nos actions, voit tous nos gestes, nos faits et gestes, il entend toutes nos paroles, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, ce à quoi nous pensons, nos envies, nos penchants, et ainsi de suite. Et cela se traduit concrètement en ayant toujours présent dans ta science et en ayant la certitude que la vérité, Al-Haq, c'est un des noms d'Allah, qu'Allah, donc Al-Haq, t'observe tant ton apparence que ta partie cachée. Il sait parfaitement, il te connaît parfaitement, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est intérieur, il le connaît parfaitement. Le fait de constamment avoir cette science avec soi et qu'elle nous accompagne tout le temps et qu'on ait la certitude dans cela, c'est ça Al-Muraqaba. De vivre avec cette croyance, c'est ce qu'on appelle Al-Muraqaba. Au quotidien, à chaque moment, à chaque instant, tu sais qu'Allah te voit, tu sais qu'Allah t'entend. Tu dis une parole, tu sais qu'Allah t'entend. Tu fais une action, tu sais qu'Allah te voit. Tu fais une chose, tu es dans un endroit, tu sais qu'Allah le sait. Et il y a aussi Al-Muraqaba Lillah inda amri. L'auteur nous cite un deuxième point dans le Muraqaba. C'est le fait de se sentir surveillé par Allah subhanahu wa ta'ala devant ses ordres. Donc lorsque tu as connaissance d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as besoin d'Al-Muraqaba. À ce moment-là aussi, tu as besoin d'Al-Muraqaba afin de faire et de mettre en pratique ce qui t'a été commandé. Donc on te donne un ordre. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tu as besoin d'Al-Muraqaba. Tu vas avoir peur de faire du shirk. Du shirk car Allah t'a ordonné le tawhid. Tu vas avoir peur de délaisser le tawhid car Allah t'a interdit le shirk. Al-Muraqaba, le fait de te sentir surveillé par Allah Azza wa Jal, va t'empêcher de donner l'adoration à l'autre qu'Allah. Car tu sais que seul Allah mérite cette adoration. Donc lors de la difficulté, tu ne vas pas te diriger vers telle tombe ou tel tombeau ou telle personne, tel wali ou autre, non. Mais tu vas lever les mains vers celui qui voit tout, vers celui qui est shahid, vers celui qui est témoin de toutes choses. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a... Et votre Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers vos parents ou envers les parents. C'est un ordre. Donc tu as besoin d'Al-Muraqaba. Tu as besoin de Al-Muraqaba, de te sentir surveillé par Allah Azza wa Jal, afin de rester constamment dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Tu vas faire du bien à tes parents car Allah te l'a ordonné. Et tu sais qu'Allah te surveille et chaque parole... Dans une discussion avec tes parents, tu sais qu'Allah l'entend. Chaque action, tu sais qu'Allah te voit. Et ainsi de suite. Donc, tu as besoin de l'muraqaba pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimu salah wa atu zakah. Acquittez-vous de la prière. Et madha, de l'aumône. Tu as besoin de l'muraqaba. Comment est-ce que tu vas prier? Est-ce que tu vas te prier pour te décharger de la prière? Pour te débarrasser de cette prière, ou bien tu as prié avec Al-Muraqaba, tu sens qu'Allah te surveille, alors tu veux prier de la meilleure façon. Tu as la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Tu as la certitude qu'Allah azza wa jal t'entend. Donc lorsque tu entres dans ta prière, tu ne vas pas entrer dans la prière comme un autre qui n'a pas ses sens présents dans son cœur et qui ne l'accompagne pas à chaque instant le ferait. Toi tu entres dans ta salat, tu sais devant qui tu te tiens. Devant Allah, le Seigneur des mondes. Lorsque tu dis Allahu Akbar, c'est comme si tu te coupes de ce bas monde. Ensuite, lorsque tu dis Dua al-Istiftah, al-Isti'adha, al-Basmala, tu récites al-Fatiha, à chaque fois que tu bouges ta langue, tu bouges tes lèvres, tu sais qu'Allah Azza wa Jal t'entend. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal te voit, il te surveille. Et c'est vers lui que tu reviendras pour être jugé. Comment sera cette prière? Comment sera cette récitation? Tu vas faire attention à chaque parole, à chaque action. Comment est-ce que tu vas mettre ta main droite sur ta main gauche? Tu ne vas pas la poser de manière anodine, mais tu vas la poser avec science et suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. avec soumission à Allah tabaraka wa ta'ala et adoration. Chaque action que tu feras dans ta salat sera faite avec science à la recherche d'agrément d'Allah azza wa jalla. Puis lorsque tu vas rester une seconde sourate, tu vas méditer ce que tu dis, car tu sais qu'Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Ça, c'est le muraqaba. Ensuite, au moment de dire Allahu Akbar, tu vas savoir ce que tu dis. Allahu Akbar, Allah est le plus grand dans al-rububiyya, dans sa seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala Akbar, dans le droit à l'adoration, c'est le seul qui mérite l'adoration. Allahu Akbar, dans tous ses noms, dans tous ses attributs. Walahu al-mathalu al-a'la. Walillahi al-asma'ul husna, à lui appartient les plus beaux noms et il a les attributs les plus parfaits. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. C'est lui qui médite tous ses sens et il est dans sa salat. Quelle sera cette prière et comment est-ce qu'il en sortira? Son imam préféré sera celui qui lit le plus longtemps, car il trouvera son plus grand bonheur, son plus grand plaisir. La prunelle de ses yeux sera dans sa salat. Ensuite, au moment de faire al-ruku', il immensifiera Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prendra du plaisir à s'incliner devant son Seigneur. Et il l'invoquera. Puis il se relève. Il prononce ses paroles quand il le faut, comme il le faut. Puis debout, et ainsi de suite jusqu'à la fin de sa salat. En sujoud, il s'humilie devant Allah tabaraka wa ta'ala, prononce ce qu'il faut prononcer, invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Il sait que c'est le moment où il est le plus proche d'Allah azza wa jalla. Il sait que c'est le moment en sujoud où il est le plus proche de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc, il s'apaise ainsi, et il trouve la quiétude as-sakina, et il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas dérangé par le regard d'un tel ou un tel. Il est avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il l'invoque, il lui demande tout ce dont il a besoin dans ce bas monde et dans l'au-delà. Des choses de din et des choses de dunya. Et il reste en prosternation et il demande tout ce qu'il veut demander. Il n'est ni dérangé par la dunya, ni dérangé par une autre action. Il y a la perfection de l'ikhlas, de la sincérité, c'est-à-dire le but dans cette adoration. Et la perfection de al-sidr, le fait de se décharger de toute autre chose, si ce n'est de cette action. Il n'est pas dérangé par un téléphone qui sonne. Il n'est pas dérangé par telle chose, par la dunya, par femme, enfant, là. Mais il est pleinement dans cette salat, car il sait que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, est issu de al-raqib al-shahid. Subhanallah. Dans quel état pensez-vous que cet homme sortira ou que cette femme sortira de cette salat? Hein? Est-ce qu'elle sera semblable à la salat de ceux qui, lorsqu'ils viennent au masjid, à la fin de la salat, ils vont se disputer? Ou bien ils ressortent de la mosquée et ils dérangent les gens devant le masjid? Ou bien est-ce que la femme pourra sortir de cette salat-là au masjid et ensuite enlever son hijab? Là, wallah, parce qu'elle sait pour qui elle prie. Al-raqib al-shahid. Est-ce que cette femme qui a fait ce soujoud-là, elle pourra rentrer chez elle et désobéir à son mari ou à ses parents? C'est pas possible. Elle sait pourquoi elle était prosternée ainsi. Est-ce que cet homme qui a eu al-muraqaba dans sa salat, dans ses ordres, lorsqu'il va rentrer chez lui, il va opprimer sa famille? Il ne peut pas avoir al-muraqaba et ensuite revenir opprimer cette femme faible chez lui, la frapper, l'opprimer et ainsi de suite. Parce qu'il a al-muraqaba inda amrillah. Et il fait cela dans toute sa vie. La salat, la zakat, birul walidayn, al-hajj, al-sawm, et ainsi de suite. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, wa hafidhahu. En général, lorsqu'on dit rahimahullah, c'est que la personne est décédée. Mais on peut le dire aussi pour une personne vivante, même si là, c'est ma langue qui a fourché. Juste pour information. Donc l'auteur, Hafidhahullah Ta'ala, nous dit que le serviteur, en ayant cet état, mettra en pratique les ordres d'Allah de la meilleure manière. وَمُرَاقَبَةٌ لَهُ عِنْدَ نَهْيِهِ لِيَجْتَنِبَهِ. Il te faut aussi avoir cet état, ressentir qu'Allah te surveille, te voit, t'entend dans tous tes états, au moment de l'interdit. Au moment de l'interdit. Tu sais désormais qu'Allah t'a interdit al-shirk. Comme le fait d'égorger une bête pour autre qu'Allah, d'invoquer un mort, d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu délaisses cela car tu sais qu'Allah te voit, t'entend et connaît tout ce que tu fais, où tu vois, où tu te rends. Que tu sois seul ou en public. Que tu sois dans ton pays ou en voyage. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit uququl walidayn, la désobéissance envers les parents. Alors lorsque tu es avec tes parents vu de personne, tu sais qu'en vrai tu n'es pas seul et qu'Allah azza wa jalla te surveille car c'est al-raqib al-shahid. Alors tu as le meilleur comportement. L'enfant, tu dois l'éduquer sur ses sens. Et parmi les parents qui n'ont pas été éduqués dans le tawhid, ou qui n'ont pas appris à être des éducateurs, tu trouves de nombreuses mères qui font peur à l'enfant du père. Fahimtou ? Attention, je vais le dire à papa. Attention, kada, kada, kada. D'accord. Cette femme apprendra, malheureusement, à long terme, qu'à chaque fois que le père s'absentera, l'enfant fera des bêtises, si Allah Azza wa Jalla ne le préserve. Pourquoi ? Car il a été éduqué dans muraqabatul walid. Wal walid yarib. Alors, et le père s'absente pour travailler, pour aller apprendre sa religion, pour et pour. Et il peut s'absenter jusqu'à yawm al-qiyama par un décès. Amma Allah shahid la yarib. Alors qu'Allah Azza wa Jal est témoin. Et il ne s'absente jamais. Donc si tu éduques l'enfant ainsi, Allah te voit. Allah t'a entendu. Allah t'a vu. Tu lui répètes cela. Et il grandit avec ses sens dans son cœur. Le jour où il voudra s'approcher du péché, son père absent, il va se dire, Shaitan va lui dire, ton père ne te voit pas, tu peux. Allah Azza wa Jal va le préserver, il va se souvenir, il va dire, oui mais Allah me voit. Oui mais Allah me voit. Comme l'histoire des trois personnes qui ont été bloquées dans la grotte. Trois personnes étaient en chemin et il y a eu de la pluie. Ils sont abrités dans une caverne et un rocher est venu boucher l'entrée. Vous connaissez tous ce hadith. Puis ils se sont dit mutuellement, rien ne nous sauvera de cette situation si ce n'est en invoquant Allah par les actions les plus sincèrement faites. Chacun a demandé à Allah Azza wa Jal par ses actions. L'un d'entre eux a dit, j'avais la fille de mon oncle, ma cousine, et c'était la femme que j'aimais le plus. Et il avait tenté de la troubler de commettre le péché, mais elle s'était préservée. Dans un moment de faiblesse et de disette, de grande pauvreté, il est parti la trouver, lui a proposé une somme afin qu'elle lui permette de commettre le péché. Elle affaiblit à ce moment. Et lorsqu'il s'est mis sur elle, entre ses quatre membres, elle lui a dit, ne fais cela que dans le halal. Elle lui a rappelé Allah. Immédiatement, elle s'est levée. Immédiatement, elle s'est levée et lui a laissé tout l'argent. Qu'est-ce qui a sauvé cette personne par la permission d'Allah Azza wa Jalla? Al-Muraqaba. Elle lui a dit, prémunis-toi d'Allah et ne fais cela que dans le halal. Elle lui a rappelé Allah, faraqab Allah. Il s'est souvenu d'Allah, il s'est souvenu qu'Allah l'observe, qu'Allah voit tout, qu'Allah entend tout. Il s'est aussitôt levé. Un homme était avec une femme dans un endroit, un mada, un soir, dans un endroit désertique. Il a voulu commettre le péché. Et il lui a dit, il n'y a personne, si ce n'est moi et toi. Et les étoiles. Alors elle lui a dit, et où est celui qui a créé les étoiles? Et où est celui qui a créé les étoiles? Hadihi al-muraqaba. Ça c'est al-muraqaba inda nahyillah. Ça c'est al-muraqaba lors de l'interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne n'a pas eu dans son cœur ce sens-là. Elle n'a eu que ce qu'elle a vu avec ses yeux. Mais cette femme-là a eu le muraqaba et a été accompagnée de le muraqaba. Elle a gardé cette caractéristique au moment de l'interdit. Par cela, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé du péché. Yusuf alayhi salam, lorsque la femme de l'Aziz est venue et lui a manifesté son désir, elle l'a enfermé. Ils étaient seuls dans une pièce du palais. Elle lui a dit, hey talak, qu'a-t-il répondu? Qala ma'ad Allah, qu'Allah m'en préserve. Elle l'a appelé au péché. Il y a beaucoup de circonstances aggravantes, ou plutôt atténuantes. Il est jeune. Il n'est pas résident. Ce n'est pas sa ville natale. Il n'est pas connu des gens. On lui a donné la moitié de la beauté. C'est la femme de l'Aziz, une femme de la classe supérieure. C'est la femme du roi. Elle s'est embellie, elle est belle. Elle peut faire en sorte qu'il accède à de grands postes. Si il ne commet pas le péché avec elle, elle peut lui faire des problèmes. Et les savants ont cité encore d'autres choses qu'on a déjà citées. Il est jeune, donc en pleine possession de sa force et de sa vigueur. Malgré tout ça, لَمَّ رَاقَبَ رَبَّ الْعَالَمِينَ الْمُطَّلِعَ الْرَقِيبَ الشَّهِيدِ قَالَ مَعَادَ. Immédiatement, ce qui est venu sur sa langue est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah m'en préserve. إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ إِنَّهُ رَبِّي قَدْ أَحْسَنَ مَثْوَانِ. C'est certes mon responsable, il a été bienfaisant envers moi. Comment est-ce que je pourrais trahir Al-Aziz? Comment est-ce que je pourrais trahir Al-Aziz alors qu'il a été bienfaisant envers moi, le roi? Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plus loin, « وَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَى وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب قدت قميصه الى اخر الايات. Elle est venue vers lui. Donc lui s'est refusé. Elle est venue vers lui, il s'est sauvé vers la porte. Elle a couru derrière lui, l'a agrippé au point de déchirer de son vêtement. Arrivé à la porte, Al-Aziz et d'autres personnes. Immédiatement, elle l'a accusé. Quelle punition réservera-t-il à celui qui a essayé de causer du tort à ta famille? Jusqu'à la fin de la discussion. Yusuf alayhi salam raqaba Allah. Fahafidahu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a préservé de tomber dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il a su qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voyait. Il a su qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'entendait. Et toute parole sera entendue chez Allah. Toute action vue par Allah. Et notre retour se fait vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces sens-là peuvent préserver l'homme de toutes les fitnes. Il fait toutes les causes pour ne pas s'y retrouver. Mais au moment de l'épreuve, يُثَبِّتُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَذِي الصِّفَةِ الْحَمِيدَ. Au moment de l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermit avec cette noble qualité. Comme le poète a dit, si un jour tu te retrouves seul en aparté, ne dis pas « me voici seul », mais dis plutôt « il y a quelqu'un qui m'observe ». C'est-à-dire Allah. Et ne pense pas qu'Allah peut être distrait ne serait-ce qu'un moment, ni que les choses cachées pour lui sont absentes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est caché. Il sait tout. Il voit tout, il entend tout. Il est parfaitement connaisseur et observateur de toutes choses. وهذه et cette muraqaba requiert, comment est-ce qu'on dit, requiert, c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a facilité à dire ce mot. Cette muraqaba requiert du serviteur un cœur présent. Et tu dois purifier ton cœur de la rafla, du fait d'être distrait. Tu ne pourras rester à ce degré si ce n'est avec ces conditions. Tu dois avoir un cœur présent, un cœur vivant, un cœur fort, et tout faire pour repousser de toi cette maladie qui est le fait d'être distrait. Wadawam al-dhikr. Tu dois toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela va t'aider à toujours te souvenir de lui et avoir un cœur vivant. Tu fais toujours du dhikr. Naam. Tu fais toujours du dhikr. Et à la fin, inshallah, de ce cours, on va mémoriser une dua et l'expliquer, inshallah, wa ta'ala. Wahada yuthmiru. طيب ما سمى avoir lu ça. وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله وهو نعيم معجل يناله العبد في الدنيا قبل أخرى الله أكبر الله Donc pour avoir ce niveau, le serviteur doit s'efforcer d'avoir le cœur présent et vivant, de s'éloigner de la distraction, et il doit toujours se rappeler d'Allah et le citer. S'il se comporte ainsi, ça va lui donner de bons fruits. Quels sont ces fruits ? La joie du cœur, l'élargissement de la poitrine. Et il trouvera la plus runelle de ses yeux, le degré le plus haut de la joie, et de la tranquillité, de la sérénité. Dans quoi ? Dans le fait d'être proche d'Allah. La plus grande joie pour lui, en ayant cette qualité, al-muraqaba, en faisant le bien, en s'éloignant du mal, en se souvenant d'Allah, en invoquant Allah, en ayant un cœur vivant, présent, en s'éloignant de la distraction, ben il va entrer dans un jardin qui est le paradis dans ce bas monde avant le paradis de l'au-delà. Quel est ce jardin? Quel est ce paradis? Ma'arifatullah wal unsubi. Le fait de connaître Allah et de se sentir proche de lui. Et le fait de se sentir seul lorsque tu ne l'adores pas et lorsque tu n'es pas proche de lui, même si tu es accompagné de millions de personnes. Cet état-là, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous en parle. Et Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a tiré énormément de profit, comme on le voit dans ses écrits, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, d'Ibn al-Sa'di rahimahullah. Donc ton plus grand bonheur et ton plus grand plaisir se trouvera dans le fait d'être proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn Abdul Muhsin, Abdul Razzaq, حفظه الله تعالى نجي وهو نعيم معجل يناله العبد في الدنيا قبل أخرى il nous dit c'est un délice un plaisir qu'on lui avance dans ce bas monde c'est un plaisir et un délice qu'on donne aux serviteurs dans ce bas monde avant qu'ils n'obtiennent cela dans l'au-delà. قال ابن القيم رحمه الله فإن سرور القلب بالله وفرحه به قرة العين به أو قرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة وليس له نظير يقاس به وهو حال من أحوال أهل الجنة حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته ومن لم يجد هذا السرور ولا شيء منه فليتهم إيمانه وأعماله فإن للإيمان حلاوة فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا ليجد به حلاوة الإيمان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله هو رسول وحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار الحديث الأول عند مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والثاني في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا نقل من مدارج السالك ابن القيم رحمه الله تعالى دي La joie du cœur qu'on retrouve par Allah, ainsi que sa joie et la prunelle des yeux, ne ressemble à aucun plaisir et à aucun bonheur dans ce bas-monde. La joie, le plaisir, le bien-être, la quiétude et la tranquillité que le serviteur obtient de par l'adoration d'Allah, Al-Muraqaba, son invocation, le fait de sentir proche de lui, cette joie et ce bonheur que l'homme ou la femme trouve à travers ça, ne ressemble à aucun autre plaisir fi dunya. Il n'y a aucune chose à laquelle on pourrait la comparer. Donc ni il y a une chose qui lui soit semblable, ni une chose à laquelle on pourrait la comparer. Et c'est un état, donc cet état que la personne a fait de dunya, c'est un état qui est semblable à un des états des gens du paradis. Subhanallah. Au point certain parmi les connaisseurs ont dit, mon cœur passe par moment, ou mon cœur se retrouve par moment, dans des états tels où j'en viens à me dire, si les gens du paradis, sont dans un état semblable, alors certes, ils vivent une bonne vie, une vie paisible. C'est-à-dire que l'homme fi dunya, avec ses sens-là, le muraqaba et autres, arrive à un niveau de bonheur tel, de tranquillité, de sérénité et autres, qu'il se dit que si les gens du paradis ont juste cet état-là, alors quelle belle vie ils auront. Subhanallah. Et la première fois que j'ai entendu cela, c'était dans un audio de Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Al-Da'i al-Kabir al-Allama. C'est un enseignant de Médine, rahimahullah ta'ala, un éthiopien, un des grands savants de notre époque. Il a fait l'explication de Asbab al-Shirah al-Sadr, que nous avons étudié durant Ramadan. Rahimahullah. À chaque occasion, on en profite pour invoquer pour les savants de l'islam. Et sans aucun doute, ce plaisir, ce délice que la personne ressent à travers tout ce qu'on a cité, le poussera à toujours aller vers Allah et à faire tous les efforts nécessaires pour rester sur le bon chemin rechercher son agrément. Et celui qui ne trouve pas en lui-même ce plaisir, celui qui ne trouve pas en lui-même ces sens précédemment décrits, ni rien de cela, même pas une partie de ce qu'on vient de dire, alors qu'il accuse sa foi, qu'il s'en prenne à lui-même, qu'il s'en prenne à sa foi, qu'il s'en prenne à ses actions. Cela lui a fait défaut. C'est de sa faute à lui, sa foi, ses actions. Car certes la foi, car certes la foi a un délice et a un goût. Donc, retourne-y et recherche cette lumière. Recherche cette lumière. Et tu trouveras le délice de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ses textes que la foi a un délice et a un goût. Et cela a été rattaché donc à la foi, comme dans les deux hadiths. Le premier aura goûté à la foi, ou goûtera à la foi celui qui aura agréé Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mohammed comme messager. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith d'Al-Abbas, apporté par l'imam Muslim. Le second hadith, trois choses celui qui les a trouvera à travers elles le délice de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre chose. Qu'il aime les gens ne les aimant que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé. Tout comme il détesterait être jeté dans le feu. Hadith de Anas, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahimahumullah. Wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyata qaddasallahu ruhah. Donc c'est toujours Amada, la transcription des paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala de Madarij al-Salik. Idha lam tajid lil 'amali halawatan fi qalbik wa inshirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala shakur يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول أو نعم مدخول. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي. Et Al-Sheikh Abdurrazzaq Hafidhahullah Ta'ala finit l'explication de ces deux noms par cette parole. Le savant de l'islam Ibn Taymiyyah dit, ou plutôt Ibn Qayyim dit, j'ai entendu Ibn Taymiyyah rahimahullah dire, si tu ne trouves pas dans tes actions, dans tes adorations, après avoir fait une action dans ton cœur, un délice, ni un épanouissement, accuse-le. Donc si tu fais une bonne action, tu fais une action, et tu ne trouves pas un délice, tu ne ressens pas un plaisir, un bonheur, une tranquillité, un apaisement, accuse ton cœur. Accuse ton cœur. Car certes, le Seigneur, le Très-Haut est reconnaissant. Il est chakour. C'est-à-dire qu'il rétribue tout le temps celui qui fait une bonne action dans ce bas monde en lui faisant goûter au délice de la foi. En lui faisant goûter à un délice qu'il trouvera dans son cœur une force, un apaisement, un élargissement de la poitrine, et tout cela deviendra la prunelle de ses yeux. Donc, si la personne agit et qu'ensuite elle ne trouve pas cela, c'est que dans son action, il y a une chose qui s'est immiscée. Il y a un défaut. Il y a un problème. Intaha kalamuhu rahimahullah. والحمد لله الذي بيتتم الصالحات. C'est ainsi que se termine l'explication des deux noms d'Allah qui sont Indaman, Al-Shahid et Al-Raqib. Al-Shahid, le témoin. Al-Raqib, l'observateur parfait, ou celui qui était un Mada, qui surveille toute chose. Celui qui surveille toute chose. Ces deux noms, chers frères, doivent nous pousser à deux choses. La première, le fait de délaisser les péchés. La première est le fait de délaisser les péchés. Car tu sais désormais que parmi nous d'Allah, il y a Raqib et Shahid. Tu savais qu'Allah savait tout. Mais cette science est un ajout à ta science. Donc elle doit avoir des effets sur ta personne. Tu sais qu'Allah est témoin de toutes choses. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, la ilaha illallah. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Kha'inat al-a'yun. Le coup d'œil que tu jettes sur une chose interdite en cachette de tes camarades. Même cela, Allah Azza wa Jal le voit et le sait. S'il en est ainsi, et il en est ainsi, qu'est-ce qu'on doit faire? On se repent et on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le passé. Parce qu'à chaque fois que tu faisais le péché, à chaque fois que tu désobéissais à Allah, Allah te voyait. Allah te voyait tout ce que tu as fait. Allah Azza wa Jal t'a fait. Tout ce que tu as fait sans exception, Allah Azza wa Jal t'a fait. Tu as donné l'adoration à Allah, Allah te voyait. Allah le savait. Allah t'a entendu. Allah t'a vu. Tu as manqué de respect à tes parents, tu leur as désobéi, Allah t'a vu. Allah l'a su. Allah t'a entendu. Tu as délaissé une salat, tu n'es pas venu au masjid, Allah t'a vu. Allah le savait. Tu es resté avec des femmes, tu fréquentes des femmes, en dehors du mariage, Allah le sait, Allah te voit. À chaque fois que tu pars avec cette femme, Allah Azza wa Jal le sait. Allah te surveille et t'entend. Tu opprimes tes enfants ou tes épouses, Allah Azza wa Jal te voit, Allah t'entend. Tu désobéis à ton mari, tu ne te voiles pas, tu parles avec des hommes, tu désobéis à tes parents, tu ne te mets pas au service de tes parents. Tu n'éduques pas tes enfants. Tu sors en cachette de ton mari. Allah te voit. Allah le sait. Allah t'entend. Donc celui qui a, celle qui a ces sens-là, qui l'accompagne tout le temps, ça va la pousser et le pousser à quoi? At-tawbat wa al-istighfar. Demandez pardon à Allah Azza wa Jal pour tout le passé. On astaghfirullah wa atubu ilayh. La deuxième chose, tawamu ta'a wa sabru ala dhalik. Être constamment endurant sur l'obéissance à Allah, sur l'obéissance d'Allah Ta'ala. Et au moment où tu faiblis, au moment où tu as une faiblesse ou la paresse, rappelle-toi qu'Allah c'est Shahid al-Raqib. Et ça va te donner la force nécessaire et l'endurance nécessaire pour rester dans cette obéissance. Et on peut ajouter encore beaucoup de fawa'id, comme as-sabr 'inda aqdarillah al-mu'lima, lorsque la personne est éprouvée par des difficultés, un malheur, la perte d'un proche, un divorce, la maladie, l'attaque des shayatin, la nuisance des serviteurs et ainsi de suite, elle ne va pas opprimer à son tour l'autre personne. Elle ne va pas sortir du bon comportement. Elle fera que ce qui est légiféré. Elle fera que ce qui est permis par le din. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'Allah c'est Al-Raqib, elle sait qu'Allah c'est Al-Shahid. Donc ces deux noms ont la plus grande importance. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. C'est ainsi qu'on invoque Allah par les noms Al-Raqib et Al-Shahid. Dua et ibadah. C'est comme ça qu'on adore Allah Azza wa Jal à travers ces deux noms, Al-Raqib et Al-Shahid. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. J'ai cité ce sujet car j'ai vu de nombreuses faiblesses en ma propre personne, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le ta'abbud, dans le laxisme et ainsi de suite. Donc, la meilleure chose avec laquelle on se soigne, c'est le Coran et la Sunna. Et la meilleure science qu'il y a dans le Coran et la Sunna, c'est les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle bonne guérison que l'étude des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqanallahu wa iyyakum. Deuxième partie du cours de ce soir est l'étude d'un hadith et d'une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait chaque jour. Avant que j'oublie, je vous informe que demain, entre le Maghrib et le Isha, dans la mosquée de Duni, 10 rue Louise Michel, il y a une conférence de notre frère Saada, Abu Yahya Wafakahullah, qui aura pour titre « La méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah ». La méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Et quel bon sujet. الطيور على أشكالها تقع. Ce livre que j'ai entre les mains se nomme Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, qui est connu par la plupart d'entre vous. C'est un livre qui comporte de nombreuses invocations prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont fait un tahqiq et ont cité les quelques hadiths qui étaient faibles. Et c'est une minorité. Dua ou al-istiqad, la dua du réveil, l'invocation du réveil. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui qu'est le retour. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث البراء ابن عازب وحذيفة ابن اليمن رضي الله عنهما. Ce hadith a été rapporté par ses deux compagnons al-Bara ibn Azib et par Hudhayfa ibn al-Yaman. Chaque matin, au réveil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela. Il commençait par l'adoration d'Allah Azza wa Jal, son rappel et son invocation. Voulez-vous son évocation? Expliquons cette dua. Qui n'a pas mémorisé cette dua? La dua du réveil, au réveil. Anta, Tayyib, lève-toi. On va la mémoriser tout de suite. Je répète après moi. Alhamdulillahi alladhi ahyana. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Tu la connais? Pourquoi tu dis que tu la connais pas? Taïb, tafaddal. Donc le sens de cette dua, donc la traduction, louange à Allah qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir, c'est vers lui le retour. Alhamdulillah, alhamd wa wasful mahmoud bil kamal ma mahabbatin wa ta'zim. Alhamd, lorsque je dis alhamdulillah, lam lillah lam l'istighraq, wa al l'istighraq, Donc ça veut dire Alhamd, la louange, comme ils ont traduit ici, c'est le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala en citant ses attributs de perfection. Et lorsque tu fais cela, tu le fais le cœur rempli d'amour et d'immensification pour Allah. Donc quand tu dis Alhamdulillah, voici le sens. Tu parles d'Allah, tu cites ses attributs de perfection, le cœur rempli d'amour et d'immensification envers ton Seigneur, ton Créateur, tabaraka wa ta'ala. Tu dis que l'ensemble de cela revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuhmad li kamalihi wa li ihsanihi. Et sachez qu'Allah, on le loue de par sa perfection et de par sa bonté et ses grâces. La perfection citée ici, c'est sifatul ihya wal imata. C'est l'attribut de donner la vie et de donner la mort. Et la bonté, les grâces pour lesquelles on le loue ici, c'est le fait de nous redonner la vie après nous avoir fait mourir. Et le sens de faire mourir ici, c'est naum. Al-imata ici, ba'dama amatana, c'est al-naum. C'est le fait de nous faire dormir. Donc tu loues Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait. Le fait qu'il t'ait redonné vie après t'avoir fait mourir durant ton sommeil. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te redonne la vie, c'est un grand bienfait. Donc tu loues Allah subhanahu wa ta'ala pour sa perfection. Parmi ses perfections, ces deux attributs. Al-ihya wa al-imata, le fait qu'il donne la vie et le fait qu'il donne la mort. Et qu'il redonne la vie après avoir fait mourir la personne durant son sommeil. Donc ce qui est voulu ici par ba'dama amatana, après nous avoir fait mourir, c'est après le sommeil. Après le sommeil. Wa ilayhi an-nushur, ay yawm al-qiyamah. Et c'est vers lui que se fera notre retour, c'est-à-dire le jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour de la résurrection. Et cela est un des grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il te redonne la vie après le sommeil. Car beaucoup autour de nous dorment, mais ne se réveillent jamais. Des fois, en couple, on a déjà connu des gens, des couples, mari et femme, qui dorment et les deux ne se réveillent jamais. Si ce n'est yom al-qiyam. Donc lorsque tu dors, tu n'as pas la certitude de te réveiller. Il se peut que ton âme soit retirée durant ton sommeil par l'ange de la mort. Le fait qu'Allah Azza wa Jal te redonne la vie, c'est-à-dire du temps en plus pour toi, pour plusieurs choses. La première, at-tawbat wal-istighfar, pour effacer tes fautes, demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ce que tu as pu faire. Et les gens dans leur tombe, et les gens yawm al-qiyam, espéreront revenir, ne serait-ce qu'un moment, pour demander pardon à Allah Azza wa Jal, mais ça sera trop tard. Toi, lorsqu'Allah t'a redonné la vie, aujourd'hui tu t'es réveillé, ben c'est l'occasion. C'est une occasion pour demander pardon à Allah Azza wa Jal pour toutes tes fautes. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, vous mes serviteurs, qui avez commis des excès contre votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est le grand pardonneur, accueillant repenti. Innahu le très miséricordieux. Donc tu peux demander pardon à Allah Azza wa Jal pour tes péchés. Et la chose la plus catastrophique est d'arriver yom al-qiyama avec des péchés, alourdi par ses péchés, humilié de par ses péchés. La deuxième chose, c'est que tu peux ajouter des bonnes actions à tes feuillets. Tu peux ajouter des bonnes actions à tes feuillets. Et ça, c'est un grand bienfait. C'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, car tu sais qu'il y aura la balance. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La balance sera établie. On va peser tes bonnes actions, on va peser tes mauvaises actions. Il y aura la pesée. Donc tu as besoin de tes provisions. Troisièmement, tu peux aller demander pardon à ceux que tu aurais pu opprimer volontairement ou involontairement. Car yom al-qiyama, tu ne pourras plus faire cela. Si tu as opprimé quelqu'un, il va se servir de tes hasanat. Et si tu n'as plus de hasanat, il va se décharger sur toi de ses péchés. Donc, Un jour en plus dans ta vie ou des heures en plus dans ta vie ne sont nullement négligeables. Suite à cette petite mort qu'est là le sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit une corrélation entre cela et la grande mort, suite à laquelle il y aura al-nushur. Donc on fait un lien entre le sommeil et al-maut, entre le retour à la vie dans ce bas monde, donc le réveil, et le retour vers Allah Azza wa Jal, al-qiyam. Et un des plus grands points reniés par Kuffar Quraysh avec Tawhidullah fi uluhiyati, c'est celui-ci, Inkarul Ba'th. Kuffar Quraysh ont renié la résurrection. Ils disaient qu'après la mort, il n'y a rien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'unicité d'Allah Azza wa Jalla en adoration, aussi avec la foi au jour dernier. La foi au jour dernier. Donc tous ces grands bienfaits méritent de notre part qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se montre reconnaissant en commençant cette journée, en commençant cette matinée, ce réveil, en invoquant Allah. Chaque jour dans lequel Allah Azza wa Jal te comble de par cette vie, commence-le en invoquant Allah Azza wa Jal, en disant Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. C'est mémorisé? Je répète. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. T'inquiète pas, il y en a plein qui ne la connaissent pas mais ils n'ont pas levé la main. Naam. Tafaddal. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana ba'dama wa ilayhi an-nushur. Jazakallahu khayran. As'al Allah yaj'alaka min adh-dhakirin Allah kathira. هذا الذي تيسر وأحمد الله العلي الكبير الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي فيها إحياء القلوب الميتة وتذكير القلوب الغافلة ودواؤها. والحمد لله الذي بتتم الصالحات وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.